le nombre de personnes qui comptent pour moi, j'en ferai vite le tour. Où je me contente de peu, pas toujours été le cas. Toujours un souci qui tombe afin de te faire péter le câble. J'ai grandi négatif, je regarde le système. C'est pas France qui paye nos loyers, demande un mystère. Ma vie n'est pas à plaindre, malgré son handicap. Tu sais, la France restera dans le caniveau, même si elle t'indicave. Mon fils Bellec à toi, t'es bien trop attachant. Avant de sortir, laisse 60% de tes sentiments dans ta chambre. La rue est pire que traite, mais t'inquiète, je te protège. Pour lui, j'avais que le sourire que j'endosse vos prothèses. Sa vie vaut des milliards, son avenir encore plus. Je rêve de lui, décrochant ses diplômes dans un campus. Pour ça qu'on me mette à la morgue. Si je fais pas ce qu'il faut, je prends en lui en scène. Je l'ai vu tous vous mettre à la morgue. Je fais pas ça pour sa blesse. Tous les jours, le mal qui nous appelle. L'amour et puis la foi qui nous abaisse. La haine nous pousse à peine. Qu'on est déjà prêt à faire des trucs de dingue. Vers la mort, chacun y trouve sa perte. Je passe un pour sa blesse. Tous les jours, le mal qui nous appelle. L'amour et puis la foi qui nous abaisse. La haine nous pousse à peine. Qu'on est déjà prêt à faire des trucs de dingue. Vers la mort, chacun y trouve sa perte. J'ai très peur de casse de me racheter. Et j'ai très peur de Dieu. Fais preuve de lâcheté. Jusqu'à présent, l'enfer me zoute. Je fais le bilan et je vois bien que je fais du surplace. Juste une passe que je traverse. Et chaque jour, j'en laisse. Une trace, on récolte ce que l'on sème, méchant, je vais bientôt partir. Ce qui compte, c'est qu'on sème, chérie, l'ange, la mort n'est jamais tardive. Tu sais, une sont nos principes. Tous les jours, le diable me sollicite. Il me prend facile car je me sens félicite. Où j'ai confiance en toi, à ton regard, t'as l'air d'une douce. Retire-moi cette merde avant que j'aille, que j'ai plus de douce. Je garde l'instinct de fauve, s'ardeur d'un œil en moi. Et je t'ai rêvé dans une magnifique tenue de feuille en noir. Avant que le temps m'attrape, reculons l'horloge. Profitons pour qu'on ait un vécu hors norme. Ma vie, c'est le rêve, mon gosse, qui sait, j'en aurais peut-être d'autres. Ce qui m'est plus cher, franchement, serait de mourir la tête haute. Je fais pas ça pour que ça plaise. Tous les jours, le mal qui nous appelle. L'amour et puis la foi qui nous abaisse. La haine nous pousse à peine. Qu'on est déjà prêt à faire des trucs de dingue. Vers la mort, chacun y trouve sa perte. Je passe un pour que ça plaise. Tous les jours, le mal qui nous appelle. L'amour et puis la foi qui nous abaisse. La haine nous pousse à peine. Qu'on est déjà prêt à faire des trucs de dingue. Vers la mort, chacun y trouve sa perte. Il est 3h du mat. On est le 3 décembre, j'ai la boule au ventre, elle veut toujours pas descendre. Chaque mère rend pas le centre, il est sur mon visage. Une expression si fiche dont je ne connais pas le sens. Tu me fascines, maman, je t'en vois 15 ans plus tôt. Chercher son fils, le traquer dans tous les hôpitaux. Et moi j'étais dehors, à consumer la ville. Je te demande pardon, je t'aime, c'est obsessionner la vie. Je fais pas ça pour sa blesse. Tous les jours, le mal qui nous appelle. L'amour et puis la foi qui nous abaisse. La haine nous pousse à peine. Qu'on est déjà prêt à faire des trucs de dingue. Vers la mort, chacun y trouve sa perte. Je passe un pour que ça plaise. Tous les jours, le mal qui nous appelle. L'amour et puis la foi qui nous abaisse. La haine nous pousse à peine. Qu'on est déjà prêt à faire des trucs de dingue.